Merci de rester fidèle à Radio Isanganiro. Voici le sommaire de ce journal. Le Burundi a commémoré le 4e anniversaire de la mort du président Pierre Nkurunziza, une occasion pour le président de la République, Evariste Ndayishimiye, d'interpeller de nouveau les cadres à œuvrer pour la réussite de la vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. La Banque mondiale et l'Union européenne ont déjà prévu une enveloppe de plus de 100 millions de dollars en soutien aux récentes victimes des inondations. Le général de brigade de police Aniseni Baruta, à la tête de la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes, l'a déclaré ce vendredi après une réunion tenue entre le ministère de l'Intérieur et ses partenaires ce vendredi. La Banque centrale enregistre une augmentation des réserves de change au premier trimestre de cette année, vous l'entendrez. Et les semences de la pomme de terre posent des problèmes aux agriculteurs de Bururi, alors que la saison culturelle C a déjà démarré dans certains endroits de cette province. Notre correspondant nous en dira plus. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans ce journal mis en onde par Eric Ouimana. À la présentation, Jean de Dieu Irakoze. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bienvenue dans les détails. Les cérémonies de commémoration du 4e anniversaire de la mort de l'ancien président burundais Pierre Nkurunziza ont été caractérisées par le dépôt des gerbes de fleurs sur sa tombe et l'écoute de sa biographie et d'un extrait d'un de ses discours célèbres. Et se sont poursuivis au stade Ngoma par une séance de moralisation essentiellement basée sur le thème de la vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060 à l'intention des membres du gouvernement, des hauts cadres et cadres nommés par décret prestant sur le territoire national. Le chef de l'État interpelle la population en général et aux cadres en particulier à aimer le Burundi et à œuvrer pour son développement, pour la réussite de cette vision. C'est au moment où le chef du bureau d'études stratégiques et de développement à la présidence de la République venait de déclarer que cette vision est possible malgré la pénurie du carburant et la flambée des prix. Gérard Nibigira pour plus de détails. Le chef du bureau d'études stratégiques et de développement à la présidence de la République, Alain Ndikumana, a dans sa présentation signifié que la vision d'un Burundi émergent en 2040 et développé en 2060 est possible malgré l'actuelle pénurie du carburant et la hausse des prix sur le marché. Il a expliqué que chaque combat économique a des entorses, mais qu'il faut les contourner pour arriver à cette vision. Il a ainsi signifié que les responsables à différents niveaux ont une contribution importante dans l'aboutissement de cette vision, notamment en s'acquittant convenablement de leurs tâches, chacun dans son domaine. Prenant la parole, le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, a précisé que pour arriver au développement durable, il faut que chaque citoyen, leader ou autre, travaille d'arrache-pied afin de beaucoup produire multiples articles à exporter pour avoir des devises du moment que l'on ne peut pas avoir des devises sans vendre à l'étranger. Une autre chose sur laquelle a insisté le chef de l'État, c'est que les membres du gouvernement, les hauts cadres et cadres nommés par décret et d'autres responsables à différents niveaux sont plutôt des serviteurs du peuple et non des fonctionnaires comme certains pourraient le croire. Il les a alors invités à travailler quitte à avoir un bilan largement positif à la fin de leur mandat. C'est au moment où ce samedi à Gitega se tenait une séance de moralisation sur le thème vision d'un Burundi émergent en 2040 et développé en 2060 à l'intention des membres du gouvernement, des hauts cadres et cadres nommés par décret prestant sur le territoire national ce jour de commémoration du 4e anniversaire de la mort du feu président Pierre Nkurunziza. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard pour toutes ces précisions. Et dans la même page économie, les réserves officielles de change détenues par la Banque centrale ont augmenté jusqu'à 55,3% au premier trimestre de cette année par rapport au dernier trimestre de l'année dernière. Précision apportée lors de la présentation du rapport de la politique monétaire du premier trimestre et la déclaration du second trimestre de cette année. Édouard Normand Wigendako, gouverneur de la BRB, a en outre informé que cela servira de base pour diminuer la dette publique. Cela est ainsi au moment où les importations ont connu une augmentation de 24,5% contre des exportations. Mireille Kanyangé pour plus de précisions. Ce rapport de la Banque centrale au premier trimestre de cette année montre que les importations se sont accrues de 24,5% et ont atteint 731 000 millions de francs burundais, alors que les importations ont augmenté de 8,1% et se sont élevées à 93 000 millions de francs burundais, avec un taux de couverture de 12,7%. Selon toujours ce rapport, les réserves officielles de change ont augmenté de 53,3% par rapport au dernier trimestre de 2023 pour s'établir à 158,7 millions de dollars à la fin mars de cette année, alors que celles détenues par les banques centrales ont augmenté de 16,3% par rapport au dernier trimestre de l'année passée. Ces réserves de la banque centrale couvraient 1,3 mois d'importation des biens et services à la fin de mars 2023 contre 0,8% de fin décembre 2023. Avec ses réserves officielles de change, explique Edouard Normand Wigendako, gouverneur de la BRB, la dette publique sera peu à peu remboursée. La gestion de l'endettement public n'est pas seulement une affaire de la BRB, c'est aussi une affaire du ministère en charge des finances. On est en train de travailler ensemble pour contenir cette augmentation. Déjà, vous savez que l'État a adopté une nouvelle stratégie, mettre en application un budget programme qui va permettre aux différents ministères sectoriels de ne dépenser que ce qui se rapporte au programme qu'ils auront exécuté. Et à ce stade, ça va me permettre de contenir les dépenses publiques. Par ailleurs, vous aurez remarqué pendant les présentations qu'au premier trimestre, on a enregistré un surplus de plus de 20 milliards de francs bourg contre un déficit environ 90 milliards de francs bourg au quatrième trimestre 2023. Donc, vous voyez qu'on est en train de travailler ensemble pour contenir l'augmentation de l'endettement public. La BRB, ajoute-t-il, est en contact avec la société pétrolière du Burundi Sopebu pour une planification sur des produits pétroliers. Quant à l'endettement, le rapport de la Banque centrale de la politique monétaire au premier trimestre de cette année montre que la dette intérieure représente 70,5% de la dette publique totale et l'augmentation de la dette intérieure est de 6,6% sur une année. Merci Mireille Kanyangé pour toutes ces précisions. Après une courte pause, le journal continue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais dans les titres, la Banque mondiale prévoit une aide de 80 millions de dollars destinée aux récentes victimes des inondations. Déclaration ce vendredi du président de la plateforme nationale de prévention des risques et de la gestion des catastrophes après une réunion que le ministre de l'Intérieur a tenue à l'intention des partenaires du gouvernement. Le général de brigade de police Aniseni Baruta indique en outre que l'Union européenne a promis de donner une enveloppe de 31 millions d'euros pour appuyer un projet lié à la gestion des eaux du lac Tanganyika. Il ajoute que l'ambassade de la Chine va donner une contribution de riz ayant une valeur d'1 million de dollars. Suivez-les. Il y a expression d'engagement des partenaires, des acteurs humanitaires et des partenaires au développement. Je parle notamment le cas de la Banque mondiale qui va commencer par le transfert monétaire via le projet Melangabandi et qui va toucher dans un premier temps à l'eau de 10 000 ménages avec 5 millions de dollars américains et ils vont étendre l'action jusqu'à 18 millions dans quelques semaines à venir et la Banque mondiale compte aller à mobiliser une enveloppe de 80 millions de dollars pour cette action. Il y a d'autres partenaires comme l'ambassade de la Chine qui va donner une enveloppe de 1 million de dollars américains. Il va donner de cette somme 700 000 dollars au gouvernement et l'autre partie sera convertie en riz et les premiers lots de riz vont bientôt arriver au Burundi pour appuyer ces ménages. Il y a l'Union européenne qui appuie un projet de gestion des eaux du lac Tanganyika et du lac Kivu à la hauteur de 31 millions d'euros. Et c'est aussi une bonne contribution. Il y a l'OIM qui a développé un projet entre le Burundi et la Tanzanie pour la gestion ou la résilience communautaire dans le littoral du lac Tanganyika. C'est aussi une bonne contribution. Il y a le PNUD qui s'exprimait sur sa contribution. Il y a autant de partenaires qui vont appuyer le gouvernement. Je dois vous dire que l'engagement est amplement suffisant. Et un délai de 2 semaines a été accordé à la plateforme nationale de prévention des risques et de la gestion des catastrophes pour présenter un plan d'installation définitive au ministère de l'Intérieur. Le général de brigade Anissé Nibaruta précise en outre que ces dons des partenaires sont destinés à toutes les victimes des inondations et des glissements de terrain. Écoutez encore une fois le général de brigade de police, Anissé Nibaruta. Je dois aussi préciser que ces interventions vont aussi toucher des ménages qui sont déplacés sur le littoral du lac Tanganyika dans les communes de Mouta, de Bugarama, de Rumonge, de Nyanzala, que nous avons des ménages qui ont été déplacés par les inondations liées à la montée des eaux du lac Tanganyika. Et nous allons aussi couvrir les besoins des ménages qui ont été affectés par ces fortes pluies qui sont dans certaines communes des autres provinces comme les communes de Buganda et la commune de Rugombo de la province de Chibitoke. Nous allons aussi toucher les ménages affectés dans des communes Manda et Gihanga de la province Bubanza. Nous allons aussi assister les ménages sinistrés dans les autres provinces comme Ngozi, Rutana et Makamba et ailleurs. C'est dire que ce programme ne va pas seulement assister les gens de Gatumba, ça va aussi couvrir d'autres ménages. L'enveloppe de la Banque mondiale qui va couvrir 250 ménages, c'est dire que c'est une bonne enveloppe. Des autres provinces auront aussi à bénéficier de ces assistances. Cette réunion a recommandé à la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes, ensemble avec les autres partenaires et l'administration, nous devons rendre compte au ministre de l'Intérieur en ayant des semaines sur un plan d'installation définitive de ces ménages, parce qu'on ne va pas continuer à les nourrir éternellement. Il faudra tirer un plan d'installation définitive. Le général de brigade de police Anissé Nibaruta, il est président de la plateforme nationale de prévention des risques et de la gestion des catastrophes. En page agriculture, avant de clore ce journal, certains agriculteurs de la province Bururi font face au manque des semences de pommes de terre, alors que le semis pour la saison culturelle C a déjà démarré dans certains endroits. Les multiplicateurs de cette culture, de même que certains experts dans le domaine de l'agriculture, disent que cette pénurie de semences de pommes de terre, confirmée par le Bureau provincial de l'agriculture, est liée aux coupures de la chaîne semencière, surtout au niveau des centres semenciers qui ne sont plus capables de produire des bases en quantité suffisante pour servir les multiplicateurs privés. Ils plaident pour la redynamisation de ces centres semenciers. Zenon Zambimana pour plus de détails. Les travaux champêtres pour la saison culturelle et sont déjà en cours dans certains marais de la province de Bururi, mais certains agriculteurs grognent qu'ils font aujourd'hui face au manque de semences sélectionnées de pommes de terre qui sont introuvables dans toute la province de Bururi. Ces agriculteurs disent qu'ils risquent de mourir de faim suite au manque de ces semences de cette culture qui était rentable surtout dans les marais de cette province. Au niveau du Bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Bururi, on confirme cette pénurie de semences et de pommes de terre. Les sources sur place disent que la faible production des semences appelée base par les centres semenciers du pays par rapport aux demandes des multiplicateurs privés est à l'origine de ce manque de semences. Bernard Habonimana, premier responsable du centre semencier de Kajondi en commune d'Orotovu, fait savoir qu'ils n'ont plus de semences sélectionnées de pommes de terre, car même les agriculteurs des autres provinces, et surtout ceux de la province d'Ogozi, se sont approvisionnés en semences sélectionnées cette saison culturelle et au centre de Kajondi. Suite au manque de ces semences de pommes de terre qui sont servies dans toute la province de Bururi depuis la saison culturelle A de l'année écoulée, certains agriculteurs des communes Matana et Mugamba disent qu'ils sont obligés d'acheter même les champs des certifiés quelques jours avant leur récolte. Le non-respect de la chaîne semencière depuis l'Isabou, qui produit des pré-bases jusqu'au multiplicateur privé des semences, serait à l'origine de ce manque de semences, selon certains des multiplicateurs de semences et certains des experts dans le domaine de l'agriculture. Car selon eux, les centres semenciers ne sont plus capables de produire des semences appelées bases en quantité suffisante pour satisfaire les multiplicateurs qui produisent à leur tour les semences certifiées dont les agriculteurs ont besoin. Ils demandent demande la réhabilitation, la redynamisation de tous ces centres semenciers et le respect de la chaîne semencière. Depuis Bururi, Zeno Nzambimana pour la radio Isanganiro. Merci Zeno pour toutes ces précisions et ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana qui l'a mise en onde. À la présentation, vous étiez avec Jean de Dieu, Irakoze. Mais dans un instant, c'est le journal des journaux. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon votre zone d'écoute. Le manque de carburant expose les fraudeurs burundais, constate Net Press. En effet, explique ce journal, depuis que le Burundi connaît une pénurie presque permanente de carburant, des populations se lancent dans des fraudes de ce produit stratégique et n'hésitent pas à traverser la rivière Rusizi pour se rendre en République démocratique du Congo où il est abondant. Dans leur tentative de traverser cette rivière, il y a des risques de perdre la vie comme cela vient d'arriver pour un Burundais qui a été tué ce 5 juin par un hippopotame sur la transversale 1 de la colline Rukana dans la commune Rugomo de la province Cibitoke, précise son confrère. Ces personnes sont conscientes du danger, mais indiquent que c'est la pauvreté extrême qui les oblige à prendre ce risque. Ce journal en ligne ajoute avoir appris que le service d'immigration de la République démocratique du Congo a formellement interdit la vente du carburant à Kavimvira, l'une des frontières de ce pays avec le Burundi, tout près de la zone Gatumba. Cette mesure est une mauvaise nouvelle pour les chauffeurs burundais qui s'approvisionnaient dans ce pays, se désole Net Press. Le gouverneur de la province Ngozi n'est pas satisfait du circuit actuel de commercialisation du lait, rapporte l'agence burundaise de presse. Désiré Minani déplore que le circuit de commercialisation du lait échappe à l'administration et ne respecte pas les normes. En effet, explique-t-il dans les colonnes de la BP, la collecte de lait devrait se faire directement depuis l'éleveur jusqu'au centre de collecte qui se chargerait de sa distribution aux commerçants. Mais, poursuit son quotidien, le constat est que les choses vont dans le sens inverse, où ce sont les opérateurs économiques qui vont directement prendre du lait chez l'éleveur à l'aide des moyens de transport rudimentaires. Les centres de collecte du lait, qui disposent des moyens techniques et logistiques nécessaires de transport et de conservation du lait, se voient éliminés du circuit normal qui, selon le gouverneur Minani, devrait commencer par l'éleveur, puis le centre de collecte et enfin le commerçant. Outre l'éleveur qui voit le prix d'achat imposé et diminué, il y a aussi l'administration qui ne perçoit plus les revenus imposés sur le lait, étant donné que ces commerçants opèrent en clandestinité, regrette le gouverneur de la province Ngozi, toujours dans les colonnes de l'ABP, qui signale enfin que la province Ngozi produit une grande quantité de lait suite à la politique de repeuplement du cheptel. Revue de la presse. Les aires protégées sont des patrimoines à sauvegarder, titre Burundi Echo. En effet, rappelle son confrère, les partenaires au développement du Burundi comme l'Union européenne, le Royaume de Belgique et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD ont officiellement relancé le projet de renforcement de la protection des aires protégées mardi 28 mai 2024 en commune Mabayi de la province de Cibitoke. Ce projet vise à améliorer la gestion des aires protégées, notamment la résilience des écosystèmes du bassin de la Rusizi et du parc national de la Kibira, restauration, protection des terres et des ressources en eau, et sera financé à hauteur de 14 millions d'euros. Selon cet hebdomadaire socio-économique, le projet qui sera exécuté dans 11 communes riveraines des deux parcs dans les provinces de Bujumbura, Bubanza et Cibitoke permettra de promouvoir la conservation et la protection des ressources naturelles et le développement socio-économique des populations riveraines de ces aires protégées. Enfin, télécommunications, bientôt un accès à Internet dans les zones les plus reculées du Burundi annonce dans le journal Iwachu le directeur général de l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications, ARCT, Dr Samuel Mohizi. C'est après qu'en date du 30 mai 2024, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, ait signé un décret octroyant la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau Internet par satellite à Starlink Services Burundi. Selon Dr Samuel Mohizi, repris par cet hebdomadaire, ces activités pourront débuter dans 2 mois, précisant aussi que Starlink est un projet lancé par SpaceX, une société américaine qui fournit des services Internet de haut débit via les satellites. C'est la fin de ce journal des journaux, préparé et présenté par Jean-Bosco Ndouimana. À la prochaine. Revue de la presse.